baladant la ville. Mon seul paysage c'est ma résidence. Je suis malade de la ville. Et pour me soigner j'ai pris distance. Je ne sors dehors que pour aller chercher mon tabac. Là où règne la tristesse et l'odeur du tabac. Faire les courses seul avec mon petit cabas. Autant que le temps, c'est ma vie que j'abats. Comme si j'étais encore confiné. À rouler mes clopes, à les peaufiner. Sur dose de nicotine et sur caféiné. Netflix et jeux vidéo toute la journée. Plus rien ne m'émerveille. Enfant actif devenu adulte en veille. Et tout ce que j'attends c'est le sommeil. Afin d'esquiver la vie par les rêves. Plus rien ne m'émerveille. Enfant actif devenu adulte en veille. Et tout ce que j'attends c'est le sommeil. Esquiver la vie par les rêves. Plus rien ne m'émerveille. Enfant actif devenu adulte en veille. Et tout ce que j'attends c'est le sommeil. Afin d'esquiver la vie par les rêves. Des mots sur les mots que je donne. Une vie vide, fade et monotone. Un jour sur trois je me perfectionne. Un jour sur deux j'abandonne. Je ne rigole plus comme avant. Je n'ai plus d'affection à vendre. Eve a laissé tomber Adam. Dans une éternelle longue attente. Les jours passent tellement vite. Et tout cela me rend si triste. De voir que le temps défile. Sans qu'on puisse rien y faire. Quand est-ce que la vie nous quitte. Quand tous nos proches nous quittent. Je sais qu'il faut que je profite. Avant que je ne puisse plus le faire. Y a-t-il solution à ces problèmes. Y a-t-il lumière au bout du tunnel. J'aimerais bien que demain soit meilleur. Et que je puisse enfin arrêter l'antidépresseur. Parce qu'on oublie bien plus vite les victoires que toutes les défaites. Parce que c'était seulement avec eux qu'on aimait faire la fête. Plus rien ne m'émerveille. Enfant actif devenu adulte en veille. Et tout ce que j'attends c'est le sommeil. Afin d'esquiver la vie par les rêves. Plus rien. J'attends ce sommeil afin d'esquiver la vie par les rêves. Plus rien ne m'émerveille. Enfant actif devenu adulte en veille. Et tout ce que j'attends c'est le sommeil afin d'esquiver la vie par les rêves. Plus rien ne m'émerveille. J'attends c'est le sommeil afin d'esquiver la vie par les rêves. Plus rien ne m'émerveille. Enfant actif devenu adulte en veille. Et tout ce que j'attends c'est le sommeil afin d'esquiver la vie par les rêves.